Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est temps de se payer une tranche de disco funk sur Fadjet. Pour la découverte du jour, je vous propose le groupe Cameo et son Single Life. Le batteur Larry Blackmond et le claviériste Gregory Johnson jouent dans le groupe East Coast avant de former les New York City Players en 1974. La formation est également composée des chanteurs Tony Jenkins et Nathan Leftman et d'une dizaine d'autres musiciens. Ils sont signés par le label Chocolate City, filiale de Casablanca Records, célèbre maison de disques, et adopte le nom de Cameo. Leur premier album, Cardiac Arrest, sort en 1977. Entre 1979 et 1982, Cameo place plusieurs singles dans le top 10 du classement R&B. Secret Omen, sorti en 1979, est le premier d'une série de 5 albums certifiés tous disques d'or. L'année suivante, Cameozy, c'est leur premier album à figurer dans le top 30 du Billboard 2000. En 1981, le groupe enregistre l'album Alligator Woman avec Tommy Jenkins, Nathan Leftman et deux autres musiciens. Le disque se classera 23e du Billboard 200. Still sort en 1983 sans rencontrer le succès. Leur 10e album, She's Strange, est édité en 1984. Le morceau titre séduit un large public. Il est numéro 1 du classement R&B, il rentre dans le top 50. Des 50 premières places du Billboard Hot 100 pour l'année. Alors au Royaume-Uni, la chanson figure aussi dans le top 40, et leur succès se confirme avec l'album Single Life, dont sont extraits les albums Single Life et Attack Me With Your Love, qui accèdent aussi au top 5 du classement R&B. L'album Words Up, sorti en 1986, est certifié disque de platine. Le morceau titre devient aussi leur plus grand succès en atteignant la première place du classement R&B, la 6e du Hot 100. Mais assez parlé, je vous ai assez saoulé avec ça. Place à l'écoute. We'll be right back. joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. On passe au son hit. Hommage est l'album disco que j'ai toujours voulu réaliser. C'est pas moi qui le dis, c'est Jimmy Somerville. Et il confirme ainsi tout l'amour qu'il a pour le disco et il nous rappelle à quel point il est primordial dans sa discographie. Il a repris de nombreux titres disco au sein de Bon Skibit ou des Communards, tels Don't Leave Me This Way ou I Feel Love. Sa voix aiguë et sa manière féminine de chanter sont influencées par le chanteur Sylvester. Totalement enregistré avec des instruments et sans musique électronique, ce bel album célèbre les orchestrations et les grooves. Some Wonders est l'un des titres les plus forts. Une montée de violon quasi identique à celle de Love Stem de Barry White et un solo de trompette introduisant un groove disco-funk conduit par une ligne de basse dans le plus pur style de Nile Rodgers. L'émotion dans la voix de Somerville est celle d'un artiste qui semble vouloir renouer avec son amour de jeunesse. Une réussite en tout point. Alors Somerville mérite définitivement sa place dans l'histoire du disco. Yeah. pour notre face B, une artiste que nous n'avons pas écoutée depuis un sacré bout de temps. Geraldine Hunt, vous connaissez, et Can't Fake the Feeling aussi, bien sûr. Et donc la face B, elle est sympa aussi, vous allez voir. Elle s'appelle Look All Around, elle paraît en 1980. Elle est issue de l'album No Way, et ça bouge pas mal. C'était en 1980, et ça donnait ça. Love. Bonne préparation de fête avec Fat Jet. Pour le maxi, on va vous faire découvrir un Oliver Cheatham. Et oui, j'en ai encore sous le pied et surtout en réserve. Alors, le titre est sorti en 1985, il s'appelle Mama Said, et il ne figure sur aucun album, mais il vaut quand même le coup, vous pouvez me faire confiance. Comme à chaque fois. Qui est Oliver Cheatham ? Je le dédie à mon ex-collègue heureux retraité, Le Gax, grand fan devant l'éternel. D'ailleurs, jugez par vous-même la qualité de ce morceau. The game of love is a hard game to play. When you think you found love and you lose it the next day. This great big world goes round and round, my son, my son. Sometimes it'll make you feel like it's upside down. But if you can't play the game, don't get in it. No, my mama said. It's a hard pain that follows when your move is wrong. Oh, you've got to try, no matter how hard it is. You're gonna have a problem as long as you may live. So if you can't play the game, don't get in it. No, my mama said. We'll be right back. Mama said, oh, mama said, oh. My mother said, yo. Mama said, oh, mama said, oh. Réserve une belle surprise pour la pépite. Chic va nous faire l'honneur de l'illustrer. My Feet Keep Dancing est extrait de l'album Risqué, paru en 1979. Alors le single, il aura eu moins de succès que les deux précédents. Comment il atteindra seulement la troisième place du classement disco, tous les autres classements annexes, il n'aura pas trop percé. My Feet Keep Dancing est le seul single de l'album à ne pas atteindre le Billboard Hot 100. Et c'était en 1979 tout ça, bonne dégustation. Dancing, dancing, my feet keep dancing, dancing, dancing. De se quitter, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis même heure, même endroit, semaine prochaine. Bye bye.